Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Dio, 89.5 FM à Saint-Étienne et www.radiodio.org. C'est l'émission du Grémos qui commence, émission quasi mensuelle maintenant. Voilà, le Grémos, je rappelle, groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois. Et aujourd'hui, une émission un peu à l'occasion des 50 ans des accords d'Évian. Il y a pas mal de choses en ce moment qui se passent à Saint-Étienne autour de ça, de la mémoire autour de la guerre d'Algérie. Et donc aujourd'hui, on a un invité dans les studios qui est Georges Goubier, invité par Jean-Paul Benthière du Grémos. Et puis Sophie est là aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler du film « Sommes-nous revenus d'Algérie ?», qui est un film composé de témoignages d'appelés qui vivaient au soleil, au quartier du soleil à Saint-Étienne, des appelés de la guerre d'Algérie. Voilà, et un film qui a été, qui a pris corps à l'initiative un peu de Georges Goubier, qui est présent dans les studios aujourd'hui. Voilà, donc pendant une heure, on va parler de ça. Jean-Paul. D'accord. Alors, Georges, on va dire ce film, tu peux donner le titre. Oui, alors le titre c'est « Sommes-nous revenus d'Algérie ?» Et il passe. Et il va passer au Méliès, donc vendredi 16 mars à 19h et samedi à 14h. Il sera, le vendredi, il sera suivi d'un débat. Avec le réalisateur. Exactement, avec le réalisateur et presque tous les participants de ce film, pas tout à fait tous, parce que bon, il y a des impossibilités pour certains, mais voilà. D'accord. Alors, tu parles des participants du film. Oui. Et toi, tu es à l'origine de ce film, d'une certaine façon. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton parcours, Georges ? Alors, mon parcours pour arriver à ce film... Peut-être ton parcours en général, et puis après, on parlera un petit peu plus précisément du film. D'accord. Alors, mon parcours, lorsque j'avais, on va dire, 18 ans à peu près, j'étais engagé donc dans une organisation de jeunesse qui était la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Et, nous avions des discussions sur le monde ouvrier d'une manière générale, et particulièrement les jeunes. Et à ce moment-là est arrivée l'annonce des attentats en Algérie, d'abord, puis ensuite des décisions gouvernementales pour y envoyer des troupes. Et on s'est aperçu assez rapidement que tout le monde risquait d'y aller, tous les jeunes risquaient d'y aller. Puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire, et que, on n'avait pas le choix, et il fallait partir. Voilà, alors, là, j'ai vécu une période, disons, quand j'avais 19-20 ans, où là, on a commencé à réfléchir un peu à ces questions. Et là, tu as fait un certain nombre d'actions pour, d'opposition à cette guerre. Oui, d'opposition, mais on n'était pas très nombreux à penser comme ça. Les gens pensaient que c'était quelque chose qui ne serait pas durable et il n'y avait pas un engagement très grand de la population. C'était vraiment une réflexion plutôt militante. Je me souviens d'une réunion qui s'était tenue dans le quartier du Soleil au foyer des jeunes, qui avait été organisée, je ne sais pas exactement par qui, mais je pense que c'était plutôt le mouvement de libération ouvrière. Et nous étions une quarantaine dans la salle du foyer des jeunes. Et là, deux personnes, je ne sais pas si c'était du MLA ou du FLN, en tout cas, deux personnes algériennes étaient venues nous dire leur conception par rapport à l'Algérie et leur volonté de l'indépendance de l'Algérie. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, tu es en contact avec les jeunesses communistes. Il y a des contacts entre la JOC et les jeunesses communistes sur l'Algérie ? Relativement peu à cette époque. Bon, oui, on avait des discussions de temps en temps à quelques-uns, quoi, entre les responsables et puis deux ou trois d'entre nous. Mais d'une manière générale, c'était pas non plus la volonté de la JOC départementale. On avait là aussi des désaccords entre nous. Mais bon, on discutait comme ça, indépendamment, entre nous. Il m'est arrivé, en ce qui concerne le quartier du Soleil, de participer au mouvement de la paix, oui, qui était un organisme créé essentiellement par le Parti communiste, et en majorité Parti communiste, sous des appellations différentes. Il y avait bien sûr le représentant officiel du Parti communiste, mais il y avait aussi un représentant de la CGT, un représentant de clubs sportifs, de boules, etc. Tous ces gens-là étaient engagés plus ou moins au Parti communiste. D'accord. Et là, vous avez mené c'était plutôt des réunions ou des actions ? C'était des réunions qui étaient suivies de communiqués. D'accord. Voilà. De communiquer pour la paix en général, parce qu'il y avait aussi, une lutte contre la bombe atomique qui commençait de se préciser à cette époque-là. D'accord. Alors, peut-être je te propose, donc, après ça, tu vas partir en Algérie, on va y revenir, mais je te propose de dire en quelques mots quelle va être ta carrière quand tu vas revenir d'Algérie. En revenant d'Algérie, en quelques mots, tu vas devenir un militant syndical. Alors, j'étais déjà adhérent à la CFTC avant de partir. Oui. Bon, j'ai pris ma première carte syndicale, je l'ai prise à 17 ans quand je travaillais à l'entreprise Murat. Et à cette époque-là, c'était à la CGT. Donc je suis resté à peu près un an et demi, on va dire, à la CGT. Puis ensuite, ayant changé d'entreprise, je me suis trouvé isolé. Et un ami à moi qui était plus âgé et qui était déjà délégué chez Schneider, CFTC à l'époque, m'avait proposé de prendre une carte à la CFTC, ce que j'ai fait. Et j'ai participé à quelques réunions de la CFTC à l'époque, mais je ne peux pas dire que j'étais militant. Bon, et alors, mais tu vas le devenir ? Alors, au retour, bien sûr, je reviens, je reprends contact avec des responsables, notamment René Matbet, Étienne Chauvet, pour n'en citer que deux, qui était responsable départemental à la CFTC de l'époque et qui déjà, eux, étaient très engagés contre la guerre d'Algérie. Voilà, donc je prends contact avec eux et puis voilà, et je milite dans le syndicat, dans un syndicat CFTC, oui. Bon, et donc, tu milites dans un syndicat CFTC, 68 arrive, tu participes, tu passes à la CFDT avec la CFTC, ensuite 68 arrive, et je vais vite là, forcément, oui. et tu vas devenir permanent de la fédération bâtiment et construction bois de la CFDT. Oui, oui, oui. Alors là, bien sûr, il y a beaucoup d'étapes là, qu'on saute, parce que bien sûr, après la guerre d'Algérie, il y a eu 64, qui a été une étape importante pour l'évolution de l'organisation, pour qu'elle passe en CFDT. Puis ensuite, donc, j'ai été délégué syndical dans mon entreprise, la Société Générale d'Entreprise. Et enfin, au bout d'un certain temps, au bout de 12 ans que j'étais dans cette entreprise, on m'a demandé de devenir permanent à la CFDT au plan national. Mmh. Voilà. Et j'en suis devenu le secrétaire général. Voilà. Voilà. Et là, on va revenir sur l'Algérie parce que moi, je t'ai rencontré bien longtemps après et tu m'avais dit, la première fois où je t'avais rencontré, que tu avais un projet de livre sur l'Algérie. Et c'est dans le cadre de ce projet de livre que tu vas être à l'origine du film donc, qui va passer vendredi et samedi à Saint-Étienne. Exactement, c'est ça. Ce projet de livre est venu non pas par hasard, mais parce que nous avions gardé beaucoup de courriers que j'échangeais avec celle qui deviendra ma femme plus tard. Et donc tout ça s'était resté chez ma mère. Et donc à l'arrivée à la retraite, je me suis dit, il faut absolument que tu fasses quelque chose avec ces courriers, parce que c'est quand même important, ça retrace un petit peu toute la vie que j'ai menée là-bas, et je pense que ce sera important de le dire. Et lorsque j'ai été interviewé par une journaliste de la Tribune, parce que j'avais écrit préalablement un livre sur mon enfance à Saint-Étienne, qui s'appelait « C'est la guerre, mon grand », la journaliste me dit « Et maintenant, vous allez écrire un autre livre ?» Alors j'ai dit « Oui, je vais en écrire un sur la guerre d'Algérie », et j'ai expliqué ce que je viens de vous dire. Mais préalablement, j'aimerais bien rassembler quelques-uns de mes amis ou des gens que j'ai connus à l'époque de la guerre d'Algérie, qui étaient à peu près de mon âge. Et donc, ce serait bien si on pouvait se rassembler et faire un film. Voilà. Donc, elle a fait un appel dans le journal et une douzaine d'entre eux se sont manifestés. Et ensuite, on s'est mis à travailler ensemble. On a bâti un scénario. Et puis, du scénario, il a fallu chercher un cinéaste. Et on connaissait un petit peu Dominique Paray qui était venu faire d'autres films avec nous à une autre époque. Quand je dis avec nous, c'est avec le groupe Mémoire de la Maison de Quartier du Soleil. Et donc, on l'a contacté. Lui a été enthousiaste de prendre ce thème. Et donc, voilà, on s'est mis à travailler ensemble. Et c'est comme ça que le film a commencé de se bâtir et est devenu ce qui est celui-ci. Et donc, c'est un film de témoignage d'appelé en Algérie. Voilà, tout à fait. C'est un film d'appelé en Algérie. Ce sont donc les gens que j'ai réussi à réunir sur le quartier du Soleil. Il y a deux personnages différents qui, eux, ne sont pas du Soleil, mais qui étaient dans les entreprises à l'époque, qui étaient délégués d'entreprises et qui témoignent de ce qui se passait dans les entreprises au moment où nous étions en Algérie. Et c'est-à-dire que leur témoignage, c'était de dire que les gens n'étaient pas, les ouvriers à l'époque n'étaient pas très portés sur des actions contre la guerre d'Algérie. Il y a eu des manifestations, mais après, au moment où il y a eu le risque OAS, quand l'OAS a commencé de se développer, quand les gens et les syndicats ont commencé de voir qu'il y avait un risque fasciste de voir débarquer les parachutistes à Paris. Alors à ce moment-là, il y a eu des appels à l'action. Mais avant, toute la période de 56 à, on va dire, l'arrivée de De Gaulle, après De Gaulle même, il n'y a pas eu véritablement de manifestations populaires dans les entreprises. Est-ce qu'on pourrait juste vite faire et expliquer ce que c'était que l'OAS pour les plus jeunes qui peut-être savent pas ce que c'était? Alors l'OAS, eh bien, c'était l'organisation d'action de l'armée secrète. Exact. Donc c'était né essentiellement de militaires, à la fois de militaires en Algérie, donc Salan, Charles, les généraux d'Algérie. Les généraux. Et puis aussi, on va dire des pieds noirs, quoi, des colons, parce que les petits pieds noirs, ce qu'on appelait les Français d'Algérie. Bon, il y en avait qui étaient, bon, je dirais pas pauvres, mais enfin qui étaient des gens modestes. Et puis il y en avait d'autres qui étaient très riches, qui possédaient des grosses propriétés en Algérie. Voilà, c'était plutôt ceux-là qui étaient engagés. Peut-être dire d'un mot que cette OAS se fonde quand ces gens-là se rendent compte que De Gaulle propose l'autodétermination en Algérie. Ouais, voilà. De Gaulle a été appelé par ces gens-là pour faire l'Algérie française et il va proposer, au bout d'un certain temps, en 1961, ouais, il propose l'autodétermination et là l'OAS va se créer. Contre De Gaulle et va même essayer en fait d'assassiner De Gaulle. C'est une organisation qui veut surtout pas de l'indépendance de l'Algérie absolument. À cette époque. Absolument. Et qui est prête à tout. C'est l'organisation de l'Algérie française. En fait. Absolument, qui pense que l'Algérie est un département français en totalité. Sauf qu'ils y pensent pour leur intérêt, ils n'y pensent pas pour la population, puisque bien sûr, moi, quand je suis arrivé en Algérie, comme tous les appelés, on s'est bien aperçu que l'Algérie n'était pas du tout un département français. Ok. Alors, peut-être, je te propose qu'on revienne maintenant. Là, maintenant, on a eu ton parcours d'ensemble. On a vu comment tu étais à l'origine du film, comment le film avait été construit. Et il me semble qu'on pourrait, à partir de ton cas, traiter trois grandes périodes. C'est-à-dire, en gros, ce qui se passe au moment de partir. Toi qui étais opposé à cette guerre d'Algérie, tu es appelé à certains moments à aller faire la guerre en Algérie, et comment tu prends ça? Alors, c'est quand que tu es appelé? Alors, j'ai été appelé au 1er septembre 1956. D'accord. J'ai très exactement 20 ans et 5 mois. Et tu vas y rester combien de temps? Et je vais rester 4 mois à Chambéry et 24 mois en Algérie. D'accord. Et alors, quand tu es appelé, qui est un opposant à cette guerre, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bon, il faut dire que l'ambiance à l'époque, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Bon, pour moi, je suis bien conscient qu'il s'agit d'une guerre. Un certain nombre de mes amis, de mes copains aussi, quoi. Mais bon, on se dit, c'est pas possible que le gouvernement laisse partir comme ça, sous la forme d'une guerre, et probablement qu'à un moment il y aura un règlement pacifique qui se fera. Et puis en réalité, bon, ça se fait pas, quoi. Mais bon, je suis dans les mêmes conditions que les autres, hein, c'est-à-dire que je vois partir des amis qui ont quelques mois de plus que moi, je les vois partir, ils partent. On se pose pas d'autres questions que de se dire, bon, ben, on est obligé d'y aller, on y va, quoi. Et puis moi, bien sûr, je sais un petit peu que l'objection de conscience existe, mais bon, ça se pose pas ni dans le quartier, ni sur Saint-Étienne, ni dans nos familles. Je pense même que dans ma famille, si j'avais dit je vais refuser de partir, bon, bien sûr, mes parents m'auraient soutenu, mais enfin, ils m'auraient dit, là, tu prends des risques, non, il faut pas le faire, il faut faire comme les autres, quoi. D'accord. Voilà. Dans le Nouvel Observateur, on donne un chiffre, hein, on en discutait avant l'émission, on disait que le Nouvel Observateur parlait de 11 000 appelés qui auraient refusé de partir. Et toi, tu disais que ce chiffre te semblait très élevé. Oui, moi je trouve que ce chiffre est important parce que, bon, moi je ne savais pas ce qui se passait sur l'ensemble du territoire, mais sur Saint-Étienne, je n'ai connu aucune personne qui ait refusé de partir. Peut-être y en a-t-il eu un ou deux, je sais pas, mais j'en ai connu aucun. Et véritablement, nous, pour nous, ça se posait pas, quoi. D'accord. Et puis, je pense que ça n'avait de signification que si c'était une action collective. Ni la CFTC à laquelle j'appartenais ne posait la question, n'envisageait que ces jeunes adhérents puissent mener ce type d'action, ni la JOC non plus. Hein. Et au Parti communiste, c'était pareil. Hein. Je ne connaissais pas de gens qui voulaient partir en objection de conscience. D'accord. Alors, tu as participé à un numéro spécial de Fil Bleu, qui est le journal des retraités de la CFTC. CFDT, là. Alors maintenant, CFDT, oui, bien sûr. Et dans ce numéro spécial, il est question, justement, d'un jeune homme qui a refusé de partir et qui a fait trois ans de prison. Voilà, il a fait 3 ans de prison, oui, oui. Il aurait pu faire plus, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était 5 ans. D'accord. Donc, bon, après, pour des raisons de discussion, de négociation, je ne sais pas, bon, il n'a fait que 3 ans, enfin, si on peut dire. Enfin, il a fait quand même 3 ans, oui, et dans des conditions pas toujours bien. Il était emprisonné avec plein d'autres gens, des gens du FLN notamment. Voilà. Et puis après, bon, il a été ramené dans des prisons où il était un peu plus, ouais, j'ose pas dire confortable, mais enfin dans des conditions un peu meilleures. Ouais, je me pose une question. En fait, les gens, les jeunes comme vous qui s'opposaient à la guerre d'Algérie, c'était un peu sur quelles idées. Est-ce que c'était plus une idée de pacifisme en général, de rejet de la guerre, ou est-ce que c'était plus par solidarité avec le FLN, avec les Algériens? Et quelle conscience il y avait de ce que vivaient les Algériens à cette époque? Enfin, je me pose beaucoup de questions sur... Qu'est-ce qui vous motivait? Mais j'imagine qu'il y avait plein de positions diverses, mais qu'est-ce qui vous motivait, vous, à refuser cette guerre? Alors, je vais vous dire, alors, il y avait deux choses que... La deuxième, je l'ai appris un peu après coup. Quand on était en groupe de copains, du quartier du Soleil, par exemple, on en parlait un peu. Bon, on se disait, ben, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller défendre des riches, là-bas. C'est des riches. Pour nous, c'était les riches qui étaient les Français d'Algérie, là-bas. C'était des riches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va défendre des riches, on va défendre des choses qui ne nous concernent pas. Voilà. C'était essentiellement ça. Un peu plus tard, après, j'ai appris, quand je suis revenu, que dans certains milieux catholiques de gauche, notamment, hein, donc la CFTC, et puis aussi des mouvements populaires, il y avait des gens qui étaient véritablement favorables à permettre aux Algériens d'avoir leur indépendance. Et il y a des gens ici, dans le quartier, ici, qui... ont reçu des gens du FLN, qui ont caché des gens du FLN pour qu'ils puissent développer leur idée. Voilà, parce qu'il y avait, bien sûr, la guerre d'Algérie n'a pas été qu'en Algérie. Elle est venue se faire aussi en France, et il y avait des contacts avec les travailleurs algériens qui étaient quand même assez nombreux ici, à Saint-Étienne, et puis en France, à Paris, quoi. Oui. La CFDT prend contact avec l'Union Générale des Travailleurs Algériens, je crois que c'est en 1961. Et je crois aussi que c'est la première confédération syndicale française qui prend contact avec l'Union Générale des Travailleurs Algériens qui est au FLN. Voilà. Elle leur a permis même de créer cette association. D'accord. Mais par rapport à ce que disait Georges tout à l'heure, on voit que c'est plus tard, hein, qu'on est dans la période, qu'on n'est pas dans les premières années de la guerre. Hein. Non. Voilà. Ok. Alors là, tu voulais proposer une pause musicale peut-être, il me semble. Bah, oui. C'est ça. On voulait proposer une pause musicale, donc on va écouter un morceau que vous avez suggéré, Georges Goubier, qui est Le Déserteur de Boris Vian. Oui. Pourquoi vous l'avez suggéré? Ah ben parce qu'à l'époque, on la chantait aussi. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Mais à l'époque, pas quand j'étais en Algérie, mais avant de partir, entre nous, entre copains, c'était la chanson du moment. Oui, on la chantait entre nous, oui. Elle est sortie en 54, je crois. Ah oui, ben oui, 54-50. Nous, on la chantait en 50. Oui, dans ces années-là, ouais. 55, oui. Elle a été censurée à l'époque. Oui, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr. Voilà, ben on va l'écouter maintenant. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Voilà, alors c'était Le Déserteur de Boris Vian. À savoir que j'ai appris qu'il y avait une autre version, je crois que la version première de cette chanson, à la fin, il disait pas qu'il serait pas armé, il disait « Prévenez vos gendarmes que je serai armé et que je tirerai ». Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça. Ah ben moi, je la connaissais pas, celle-là. Oui. J'ai appris ça ce matin en cherchant sur Wikipédia. Voilà. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dio 89.5 FM. C'est toujours l'émission du Grémos. Et dans les studios, Jean-Paul Bentière, Georges Goubier et Sophie, qui sont là pour parler du film Sommes-nous revenus d'Algérie, de Dominique Paray, qui va être projeté au Méliès bientôt. Et donc... de l'expérience de Georges Goubier. Alors, justement, si tu veux, dans le film « Sommes-nous revenus d'Algérie ?», il y a une question qui est très lourde, qui est posée comme ça. Et j'aimerais qu'on parle maintenant de ce que tu as vécu en Algérie et qui fait peut-être que tu n'en es pas complètement revenu. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as vécu en Algérie, Georges ? Ah oui, eh ben, il faut dire que... tous ceux qui témoignons ici, on était pour la plupart restés dans notre département. Hein. On connaissait rien d'autre sur le plan géographique. Donc aller en Algérie, c'était un voyage immense pour nous. Donc on est parti là-bas, pour ce qui me concerne, quand j'arrive à Oran déjà, premier changement, on est assis sur des buttes de bois pour attendre que le train qui devait nous emmener sur Marnia nous emmène. Alors il se passe beaucoup de temps. Et là, on a des petits Algériens qui viennent vers nous. Alors certains sont un peu agressifs. Et puis d'autres, au contraire, viennent avec leur petite boîte de cirage et veulent absolument nous cirer nos chaussures. Alors bon, on n'a jamais vu ça. Puis on dit non, non. Pas faire cirer. Et puis si, ils insistent beaucoup, à tel point que, ils nous cirent nos chaussures. Première chose, premier contact là, avec la population, ça paraît bizarre, quoi. Et puis après, je passe beaucoup de choses, mais on finit par partir en train. Le train roule très lentement. Il y a une drésine qui est devant, c'est-à-dire une autre petite locomotive qui est devant. Et d'autres soldats qui sont avec nous, qui nous accompagnent, nous disent « mais il y en a toujours une parce qu'il y a le risque de bombe à tout moment, que ça, le chemin de fer est souvent miné. Donc si ça explose, c'est la première locomotive qui explose. » Voilà, déjà, ça nous met dans l'ambiance. Il y a seulement une demi-journée qu'on est en Algérie. Et tout au long du parcours, il y a des militaires qui montent la garde. On en trouve, on en voit de partout. Voilà. Et puis, un peu plus tard, j'arrive à Marnia, on dort à Marnia, puis ensuite, on part en camion en zone interdite, où je suis, dans un petit village qui s'appelle Beni Habir. Tu peux dire ce que c'était que la zone interdite ? Alors, la zone interdite, c'était une zone de à peu près une dizaine de kilomètres à partir de la frontière marocaine. Du côté tunisien, c'était la même chose. Entre la frontière et puis la zone d'habitation, il y a eu toute une période où l'armée avait fait partir les gens de leur village. Et la zone interdite, c'était une exclusivement réservée à l'armée. Et les militaires avaient ordre de tirer sur toute personne qui passait dans cette zone interdite. Voilà. Il n'y avait pas besoin qu'elle soit armée. À partir du moment où il y avait une personne qui était là, on devait tirer dessus. Voilà. D'accord. Et alors, c'était la zone interdite, ça. D'accord. Et à ce moment-là, il va y avoir... tu vas vivre une expérience dont tu m'as parlé qui va être très difficile pour toi. Oui. Tu peux en parler. On va dire à peu près un mois plus tard. Là, j'ai déjà changé. Je suis dans une autre compagnie. Et là, on est au PC, c'est-à-dire au poste central. Un soir, je vois arriver des gens, des Algériens qui sont attachés entre des militaires. Et donc, bien sûr, on pressent que c'est des gens du FLN, hein, forcément. Ils arrivent là, ils sont attachés. Et ce sont des gens qui sont donc entre 20 et 30 ans, quoi, des jeunes gens. Et on les enferme dans la seule bâtisse qu'il y a en dur. Ils sont enfermés là. Moi, je ne les vois plus, tout comme mes collègues qui sont avec moi. Bon, nous, on va ailleurs, quoi. Et très rapidement, dans l'heure qui suit, on entend des cris. Et puis, bon, voilà, ça crie de plus en plus. Après, ce sont des hurlements, et puis on entend des bruits de plus en plus où on sent bien que les gens sont martyrisés. Enfin, voilà. Et ça dure très longtemps. Une partie de la nuit, moi-même, je suis obligé de mettre mon oreiller sur la tête pour plus entendre ça. Et puis ça se calme, évidemment, au bout d'un moment, on n'entend plus rien. Et le lendemain, l'adjudant vient nous dire, « Toi, on est 7 ou 8, venez avec moi. » Et donc, on arrive dans cette partie en dur où étaient enfermés les gens. Et donc, on voit les gens nus. Mort, bien sûr, et avec des marques de blessures épouvantables, et de la tête aux pieds, quoi. Ils ont des têtes comme des boxeurs. Et ça m'a beaucoup marqué, oui. Et donc, on a été chargé d'emmener ces gens-là pour les enterrer. Donc, on les a chargés dans nos aftraks, on les a emmenés à quelques kilomètres d'où nous étions, et on les a jetés dans des trous d'obus. Et l'adjudant avait de la chaux vive qu'il a jeté sur les corps. On a remblayé les corps. Et voilà. Donc, ça a été mon premier contact avec la torture. Ça a été tes premiers contacts. Tu disais que parmi les témoins, il y en a un qui a raconté une corvée de bois. Alors, dans les témoins, oui, ouais. dans le film, il y a l'un d'entre nous qui raconte qu'il est allé là-bas. On lui a dit de monter dans une jeep. Dans la jeep qui était devant lui, il y avait un Algérien qui était attaché aussi. Ils l'ont emmené à quelques kilomètres et on lui a tiré dessus. On a fait descendre l'Algérien et il a été descendu brutalement comme ça. Et donc le jeune là a été très choqué. Quand il a fallu recommencer, on lui a redit quelques jours après de recommencer ça. Il a dit « Moi, je ne veux pas y aller. Non, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne veux plus faire ça. » Ça m'a trop choqué de voir descendre un type attaché. Voilà. Voilà. Et ça, toi, ça t'a été épargné d'une certaine façon, les corvées de bois. Ça m'a été épargné pour moi, c'est-à-dire que jamais on m'a demandé de tirer, mais j'ai vu. Tu l'as vu faire. J'ai vu aussi. Tu l'as vu pratiquer. Pratiquer ça, oui. D'accord. Et alors, tu as d'autres activités, là, pendant ton temps d'appelé? Oui, eh ben, j'ai vécu la guerre sous différentes formes, hein. Par exemple, lorsque nous étions redescendus en zone libre, parce que j'ai beaucoup circulé quand même en Algérie, mais dans un secteur limité, mais nous étions redescendus en zone libre, nous étions à Enaya, donc un petit village qui s'appelait Eugène-Étienne Enaya. Nous dormions tout près de l'église, sous des toiles de tente. Alors il y avait d'un côté la mosquée, de l'autre côté il y avait l'église. Nous étions du côté de l'église. Heureusement, il y avait des sacs de protection. Une nuit, alors qu'on avait écouté, Dalida, par exemple, le soir avant de s'endormir, sur le coup de minuit, tout le monde dormait, on a été mitraillé, et donc les balles arrivaient à hauteur du lit, quoi. Et on ne savait pas ce qui se passait, puisque tout le monde dormait. Donc les uns et les autres, on a plongé sous nos lits sans savoir ce qu'il fallait faire, puisqu'on ne savait pas d'où ça venait. Et puis donc ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes, mais c'est très surprenant et traumatisant. Et ensuite, on a reçu l'ordre de monter dans les aftraques et de sortir et de mitrailler partout. Donc moi, j'étais mitrailleur à cette époque, donc j'ai eu ordre de mitrailler le bistrot qui était juste en face, où les Algériens se réunissaient. On a tout mitraillé, on a tout descendu. À mon sens, il n'y avait, des gens. À ton sens, c'est pas une mort. À mon sens, il n'y a pas eu de mort, on n'a pas su. Mais voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'a aussi marqué. Mais enfin, il y en a eu beaucoup d'autres, mais je passe. Pour répondre à ta question, j'ai par contre eu une période à Pont-de-l'Isère, où là, le capitaine m'avait chargé, j'étais à cette époque-là devenu sergent, et m'avait chargé d'aller encadrer avec 5 ou 6 personnes, d'aller dans un douar pour faire le recensement. Donc ce recensement, on a mis à peu près 3 semaines, 1 mois pour le faire. Un douar, c'est un village algérien, quoi. D'accord. Uniquement algérien, donc c'était des maisons en paille, quoi, en terre, voilà, où les gens vivaient, il n'y avait qu'eux, quoi. Et donc je faisais le recensement, j'ai apprécié cette période-là, même si on ne pouvait pas beaucoup parler avec les gens, parce que les gens nous disaient qu'ils ne comprenaient pas le français. Je pense qu'ils le comprenaient un peu, ils le parlaient un peu, mais volontairement, pour être en opposition avec nous, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas nos questions. Donc il y avait un garde champêtre, le garde champêtre du village qui m'accompagnait et qui retraduisait toutes les questions que je posais. Et on était toujours bien reçus, on avait le thé à la menthe les matins. Voilà, on buvait le thé à la menthe avec les gens. Et alors, bien sûr, j'allais dire curieusement, enfin, c'était pas curieusement, je n'ai jamais rencontré d'hommes entre 20 et 40 ans, il n'y en avait aucun. Et les femmes répondaient toujours, ils sont dans la montagne, ils travaillent. Voilà. Mais en fait, bon, on n'était pas dupes, on savait bien que... En fait, ils étaient au FLN, quoi. Ils avaient rejoint le maquis. Mais ils devaient rentrer de temps en temps. Et on savait, le capitaine savait qu'il devait passer par l'Oued. Alors l'Oued, c'était la petite rivière qui passait. Ça s'appelait Pont-de-l'Isère, là où j'étais. Et par 2 fois, le capitaine m'a demandé de partir faire des embuscades à cet endroit-là, au fond de l'Oued. Et... curieusement, il n'y avait aucun engagé avec moi. Il n'y avait que des appelés. Et je me suis dit en moi-même, là on va au casse-pipe. Parce qu'on était à peu près sûr que les gens de 20, entre 20 et 40 ans qui allaient rejoindre leur femme dans la nuit, eux, ils connaissaient bien le terrain. Nous, on ne le connaissait pas du tout. Donc j'étais à peu près sûr qu'on allait au casse-pipe. Et donc ces 2 fois où j'ai été chargé de faire des embuscades, je ne suis pas descendu dans l'Oued. J'ai laissé mes hommes, puisque j'étais sergent à cette époque, en haut de l'Oued, au-dessus. Donc on n'a vu évidemment personne, mais on est rentré à l'heure en disant que rien ne s'était passé, RAS. Et j'étais assez content de moi parce que j'avais sauvé ma peau. Et je pense que j'aurais fait sauver la peau aussi de mes copains. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut raconter d'autres choses ? Bah, tu m'as dit que tu... Alors, tes activités. Tu m'as dit que tu avais participé à des activités de comment on fait, des opérations de... De bouclage, oui. Tu peux dire... Alors, les grandes opérations, celles où il y avait eu des repérages de maquisards nombreux, il y avait... Alors là, c'était plutôt les engagés, hein. C'était plutôt la Légion étrangère qui allait au contact. Et nous, on bouclait. On bouclait, voilà, on passait, j'ai passé plusieurs jours comme ça à boucler pour empêcher que donc ceux qu'on appelait les rebelles, les félagas, sortent. Quoi. Voilà, il y a eu ça, il y a eu aussi à un moment, j'ai... Ben là, on s'est accroché. J'ai participé à un accrochage. Là, de nouveau, j'étais en zone interdite, sur le mont Tenouchefille. On était partis en reconnaissance. On n'était pas très nombreux, une vingtaine ou trentaine d'hommes. Et au moment où on s'était mis à casser la croûte, l'un d'entre nous dit « Ah, c'est curieux, j'ai vu bouger au-dessus. » Et alors, le lieutenant regarde avec ses jumelles... Et dit, ah oui, effectivement, ça bouge. Et il demande par radio s'il n'y a pas d'autres troupes qui sont de l'autre côté. Et on lui répond que non. Et donc, il en déduit que c'était des félagas. Donc, on a monté à leur suite, mais sans les attaquer tout de suite. Et ce sont eux qui nous ont tiré les premiers dessus. Donc, on s'est fait tirer dessus. Et en même temps, le lieutenant a demandé que d'autres troupes arrivent par derrière pour les boucler. C'est ce qui a été fait. Et nous, on a continué de monter. Ils nous tiraient dessus, on leur tirait dessus. Et à un moment, un sergent engagé, lui, qui faisait partie de l'armée, se vantait d'avoir fait l'Indochine et d'avoir fait plein de choses, d'être un vrai combattant. Il a pris une balle dans son chapeau, qui lui a traversé le chapeau, parce qu'on n'avait pas nos casques, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que... On rencontre l'armée, les félagas. Et donc là, il s'est mis à pleurer comme un gamin. Et le lieutenant l'a renvoyé derrière et m'a demandé de prendre la place de ce sergent. Donc ce que j'ai fait. Donc on a tiré pendant peut-être une heure les félagas contre nous contre eux. Jusqu'au moment où ils se sont fait coincer en haut parce qu'ils continuaient de monter. Ils se sont fait coincer en haut parce qu'après, ils n'ont pas pu repartir. Et là, plusieurs fois, le lieutenant leur a demandé de se rendre. Ils ne l'ont pas fait. Et là, tout le monde a été exterminé du côté Félaga. Et alors, quand tu parles des Félagas. Je suppose que c'est comme ça que vous disiez. Oui, on les appelait comme ça. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, oui. Et quand mais c'est pas tellement péjoratif, ça. C'est pas... je sais pas. Comment vous les conceviez, ces... Toi, tu te souviens de... Comment vous les voyez, ces félagas ? Pour moi, je savais depuis longtemps, avant de partir en Algérie, que c'était des maquisards, que c'était des gens qui se battaient pour défendre leur indépendance. En même temps, c'était, dans ce moment-là que je raconte, c'était des gens qui me tiraient dessus. Et bon, voilà, l'un d'entre nous dit dans le film, il vaut mieux faire le boucher que le veau. En l'occurrence, là, il fallait se défendre. Et donc là, on n'a plus le choix. Hein. Quand on est en guerre, on se fait tirer dessus et on tire dessus. Hein. Et, voilà. D'accord. Et donc quand on tire dessus, tu réponds. Tu te défends. Voilà. Et est-ce qu'à certains moments, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, je ne sais pas, où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne sais pas, je te pose la question. Je me le demandais en permanence. Ça, je me le demandais en permanence. Mais bon, en même temps, on n'était pas... On n'était pas déprimé au point de se dire qu'est-ce que je dois faire. Bon, on avait des bons moments entre nous aussi. Il nous arrivait de jouer aux boules quand on était sur la frontière marocaine où on ne faisait que des patrouilles. Mmh. On avait nos journées où on ne faisait rien. Donc bon, on se disait pas toujours ça, non. Mais c'est vrai que bon, pour moi, c'était présent dans ma tête. Hein, c'était des gens qui se battaient pour leur liberté. Ceci dit, j'avais l'habit militaire, j'avais une arme. Et donc, si on rencontrait ces gens-là, et voilà, c'était la guerre, quoi. D'accord. Alors, donc, tu reviens, Alors, tu peux nous redire quand on va passer au retour maintenant. Tu reviens. Oui, alors je reviens fin novembre, donc début décembre 58. D'accord. Voilà. Donc là, je suis un peu désorienté par la vie des jeunes à cette époque-là, parce que les jeunes dansent le hula hop. Bon, il y a une certaine inconscience quand même. En France. En France, oui, oui. Ça me surprend beaucoup, oui, de voir les gens danser, tout ça, alors que je sais que là-bas, ben, il y en a qui se font tuer. Hein. Faut penser qu'il y a eu quand même, du côté français, il y a eu autour de 30 000 morts quand même, hein, c'est pas rien. Quand on voit comment ils sont, ceux qui se font tuer en Afghanistan sont vénérés aujourd'hui, alors que, bon, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais enfin, bon, quand il y a 5 ou 6 morts français, on en parle dans toute la presse. Alors que nous, les morts qu'il y avait, ils revenaient ici dans un cercueil, personne ne leur présentait les armes, et même les gouvernants ne disaient rien là-dessus. Hein. Voilà. Donc les jeunes vivaient leur vie, quoi. Hein. Il y avait les Beatles qui arrivaient, je ne savais pas ce que c'était que ces gens-là. J'étais complètement désorienté. Enfin, quand je dis « je », c'était tous ceux qui étaient de mon âge et qui revenaient d'Algérie. Il y a eu un contraste extraordinaire. Autant il y avait du contraste quand nous, on est partis là-bas et qu'on a découvert ce qu'était l'Algérie, autant le retour, je ne savais plus comment était Saint-Étienne, quoi. C'était complètement différent. Les jeunes, les lieux où il y avait de la musique, tout ça, c'était complètement... Les lieux de loisirs étaient différents. Voilà. D'accord. Et alors, y a ça ? Tu es désorienté par le contraste entre la guerre et cette atmosphère-là à Saint-Étienne. Et en même temps, tu m'as dit que ton père était malade. Tu rentres, ton père est malade. Oui. Oui. Alors, il faut dire que mes parents ont mal vécu cette période-là. Bon, peut-être à cause de moi. Enfin, à cause de moi, bien sûr. Mais aussi parce que j'étais militant avant de partir. Et on parlait de la guerre d'Algérie tout le temps à la maison. Et mes parents étaient très sensibilisés là-dessus. Et mon père, qui n'était pas un militant, lui, il avait été délégué suppléant dans son entreprise, mais sans plus. En tout cas, ce n'était pas un politique. S'est senti obligé d'aller au comité de paix, un peu pour prendre ma place sur le quartier du Soleil. Mais ça l'a beaucoup travaillé, quoi. Et c'est sûr que dans la dernière période où j'étais là-bas... Il est tombé malade, voilà, puis je crois qu'on peut dire qu'il s'en est jamais remis, quoi. Quelques années plus tard, il est décédé d'un cancer, oui. D'accord. Et alors là, toi, tu arrives, ton père est malade, il ne travaille plus, et il faut que tu reprennes le travail le plus rapidement possible. Oui, oui, oui. Ah ben oui, bien sûr. À la maison, on n'est pas riche, ma mère fait des ménages... C'est assez difficile, oui, il faut retrouver un travail tout de suite. Et donc je rentre, alors là, à la différence d'aujourd'hui, on trouvait du travail très rapidement, quoi. Donc je n'ai pas eu de difficulté à trouver un autre emploi dans une entreprise de mécanique. Voilà, mais la plupart d'entre nous, c'était ça. Voilà, c'est l'entreprise de mécanique dont tu parlais tout à l'heure. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. J'en ai fait plusieurs. Oui, d'accord, mais... C'était l'entreprise Bouladon, oui. D'accord. Et j'ai envie de dire... Tu parles ou tu parles pas de ce que tu as vécu en Algérie à ce moment-là? Oh non, on n'en parle pas beaucoup. J'ai donné quelques éléments, un petit peu de ma vie avec celle qui deviendra ma femme... un petit peu avec mes parents, mais bon, on passe rapidement là-dessus. On parle de l'Algérie en général. Alors après, comme je m'engage à la CFTC un peu plus, là, vraiment en tant que militant, donc là arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, donc De Gaulle est arrivé, et puis l'OAS s'est créé, et là, il commence d'y avoir des manifestations populaires à l'initiative des organisations syndicales. Alors, je crois qu'il y a un cartel d'organisations qui s'appelle le Carrefour pour la paix en Algérie, oui. Qui organise un certain nombre de... Enfin, qui organise des manifestations, oui, à Saint-Étienne. Oui, à Saint-Étienne, oui. Alors, c'est pas général. Hein. Sur Paris aussi, il y a des rapprochements entre les syndicats. Bien sûr. Mais il y a plein d'autres endroits en France où il n'y a rien bien du sûr. Tout. Hein. Mais sur Saint-Étienne, là, il y a eu une action collective assez intense menée par les organisations syndicales. D'accord. Et aussi des mouvements de gauche, quoi. C'est là que se crée l'union. Alors, politiquement, j'adhère aussi à l'UGS, l'Union de la gauche socialiste, l'UGS. Qui a quelle position sur l'Algérie ? Ah ben, qui a une position pour l'indépendance de l'Algérie. Ce sont des gens qui sont dissidents de la SFIO. Donc la SFIO étant le parti socialiste de l'époque. Voilà. Dont le leader était Guy Mollet, et Guy Mollet était devenu donc le Premier ministre à l'époque. Et c'est lui qui, finalement, nous a engagés sur la guerre d'Algérie, encore plus que ce qu'il y avait avant. Quoi. Et donc, il y a une partie de socialistes qui ont quitté la SFIO pour créer le PSA, le Parti Socialiste Autonome, l'Union de la Gauche Socialiste... Et puis encore un autre dont j'ai plus le dit. Ça fait rien. Importe. Tout ça, ça va aboutir à un parti. Tout ça va créer un nouveau parti qui était le PSU, le Parti Socialiste Unifié. Voilà. Voilà, dans lequel un des leaders était Rocard. Voilà. Et dans la Loire, il y a une bonne partie de ceux qui vont devenir les dirigeants de la CFDT. Qui sont membres du Parti Socialiste Unifié. Oui, voilà, oui. C'est oui, ça. Oui, oui. D'accord. Et là, tu participes à ces manifestations qui vont contribuer à l'arrivée de l'Algérie à l'indépendance jusqu'en 1962. Oui. Oui, qui vont y contribuer, c'est vrai. Je crois que ce qui a fait bouger le plus les gens, c'est la manifestation de Charonne à Paris, où là, il y avait eu des morts. Mais autrement, il y avait des manifestations sur Saint-Étienne, mais qui n'étaient pas quand même... C'était pas des foules extraordinaires. Il y en avait, par exemple, beaucoup moins qu'il y a eu sur les retraites l'année dernière. Bien sûr. Hein, par exemple. D'accord. Alors, il y a un événement dont il faut parler parce qu'il est dans l'actualité stéphanoise, c'est le 17 octobre 1961 à Paris, où il y a un massacre, on va dire, d'Algériens à Paris. Est-ce que tu en as été... Moi, j'ai trouvé une relation de ce massacre dans le journal de l'UDSFDT de l'époque qui s'appelait « Le combat ouvrier ». C'était Jean Rochatin qui y avait assisté. Alors, je confonds entre l'UDCFDT et l'UDCFTC. À l'époque, on est à l'UDCFTC. FTC, oui. Voilà. Mmh. Il y a un massacre d'Algériens à Paris. Et peut-être, ça peut nous fournir peut-être une transition avec les annonces qu'Elsa va faire. Mmh. Parce que ce massacre est raconté dans un film qui va passer au France, là, à la fin de cette semaine. Oui, c'est ça, en fait. Justement, dans la présentation du film dont vous êtes venu parler, duquel vous êtes à l'initiative, qui est « Sommes-nous revenus d'Algérie », dans la présentation, il y a cette phrase « Il y a autant d'histoires que de témoins ». Et c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Comme le sous-entend notre titre, est-ce que la guerre d'Algérie est terminée aujourd'hui? Dans les consciences, non. Et dans les rapports avec les Algériens, non. Les Algériens entre eux, non. C'est sûr qu'il y a, il y a eu des haines chez les Français qui existent encore aujourd'hui. Il y a des traces. Il y a des gens quoi. D'extrême droite qui aujourd'hui sont restés toujours sur l'idée que l'Algérie devrait être française. Et puis, du côté algérien aussi, il y a eu entre eux des massacres épouvantables à la période... De la fin de la guerre, là, comme l'a dit dans la déchirure la personne du FLN, il y a eu une période de 5 ou 6 mois où il n'y avait aucune direction gouvernementale en Algérie et où les gens se sont massacrés entre eux. Alors, la déchirure, donc, c'est un documentaire qui est passé dimanche et lundi sur France 2. C'est un documentaire de Bernard Stora, qui est un des grands spécialistes de l'histoire de la guerre d'Algérie, et donc les auditeurs peuvent regarder en replay si ça les intéresse. On a une synthèse de 2 heures sur la guerre d'Algérie. D'accord, oui. Donc voilà, c'était ça que je voulais soulever en citant cette phrase, il y a autant d'histoires que de témoins. Oui. C'est vrai que c'est vraiment c'est assez intéressant de pouvoir de part et d'autre s'intéresser et entendre divers points de vue là-dessus. Et donc justement, comme actuellement c'est les 50 ans des accords d'Évian, c'était là où on voulait en venir à la fin de cette émission, il se passe pas mal de choses à Saint-Étienne ces temps-ci autour de ça. Donc notamment les projections de films au sujet du 17 octobre 61. Donc c'est Ici on noie les Algériens et Octobre à Paris. Donc ces films, ils vont être projetés dans le cadre des 4e rencontres autour des cinémas d'Afrique. Donc au cinéma Le France à Saint-Étienne, mais aussi à Saint-Just-Saint-Rambert et à Montbrison. Et par exemple, au cinéma Le France, donc à Saint-Étienne, c'est rue de la Valse, ce sera ce vendredi 16 mars. Donc à 14h, il y aura Octobre à Paris, à 16h, Ici on a les Algériens, à 18h30, Octobre à Paris. Voilà, et ces films, ils seront rediffusés d'autres jours, comme par exemple le 19 mars. Et alors nous, personne ici ne les a vus, mais on les trouvait, on nous a dit que c'était très intéressant. C'est des témoignages d'Algériens, ou en grande partie d'Algériens. Et peut-être vous pouvez nous rappeler quand on va être projeté, Sommes-nous revenus d'Algérie? Et où? Alors le film Sommes-nous revenus d'Algérie sera diffusé vendredi 16 mars à 19h au Méliès. Et le samedi 17 à 14h, au Méliès aussi. Et en présence des témoins? En présence donc des témoins et puis du cinéaste Dominique Barret et de la plupart des témoins. Ok. Et pour rappeler aussi que ce jeudi 15 mars, donc il va falloir se dépêcher un petit peu si vous voulez y aller, mais à 14h... toujours dans le cadre des 50 ans des accords d'Évian, à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, il y a un événement organisé par le CEDMO et autour de témoignages de lutte contre la guerre d'Algérie dans la Loire. Alors, CEDMO et Institut d'Histoire Sociale de la CGT. Oui, excusez-moi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Écoutez, merci beaucoup Georges Goubier pour ces témoignages. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-Paul, merci Sophie. Merci Georges. Donc c'était l'émission du Grémousse. Et moi, alors je voulais proposer de terminer cette émission avec une chanson qui abordait les événements et la guerre d'Algérie sous un autre point de vue, qui est celui de... En fait, c'est le point de vue plus des Algériens, des gens qui se sont soulevés les premiers matins de novembre. 54, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et c'est, si j'avais envie de passer cette chanson, c'est, bon, elle est très dure, mais c'est aussi parce que c'est une autre manière de... Parce que toute la question qui se pose ici, c'est quels sont les enjeux de témoigner et de ressortir tout ça maintenant. Et là, et c'est un groupe de rap, de jeunes d'aujourd'hui, qui s'appelle donc La Rumeur, et qui décide de... parler de ça, de ce point de vue, et de le rappeler aux gens qui sont, et aux jeunes surtout, qui sont ici aujourd'hui en France. Donc voilà, ça s'appelle Premier matin de novembre et c'est un morceau de La Rumeur. On se quitte là-dessus. Et voilà. Et pour dire que la prochaine émission du Grémos sera le 19 avril et reviendra sur la table ronde qu'il y aura dans le festival Avatarium le 31 mars à Saint-Étienne. Au sujet des mémoires ouvrières et des luttes ouvrières. Voilà, mais vous en entendrez parler plus sur Radio Dio. Donc voilà, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Bonne journée. Yeah. fait déterrer les braises et au creux de vos mains traversées de l'oscillage. Les semences du feu ont accouché l'antithèse de 130 obscures années d'esclavage. Du haut des massifs jusqu'aux plaines pillées, des cités suppliciées aux villages craquelés. Voilà l'histoire prise au cou par vos visages couleur d'ambre quand enfin retentit ce premier matin de novembre. Vous avez arpenté la bouche ouverte d'une guerre comme les fils de la terre et du fer. Vous n'y avez pas seulement jeté la mitraille et l'acier, mais chaque pulsation de vos cœurs écartelés, des grenades dans le ventre sous des jours couleur de boue. Vous avanciez, étreignant le maquis pour expulser le crime. Vous avanciez, agrippé à chaque arbre des racines à la cime. Vous avanciez, sur vos têtes grondées, un ciel de napalm, de parachutes et d'obus. Votre sang cru hurlait, vos entrailles ouvertes brûlées. Dans ce trop-plein d'électrodes et de chiens. L'Algérie, c'était vous, quand l'Afrique répond au coup, quand le fer se voit debout, quand furieux, inaltérable et tendre, vos rêves inondés ce premier matin de novembre. Ces morts sans sépulture, sans gerbe ni dorure, ces morts aux yeux ouverts dans les chambres de torture. Faut-il que leur gloire soit insultée? Faut-il qu'elle soit dilapidée par de mauvais bergers qui ont accordé leur violon au diapason du colon et partagent avec lui la même peur au ventre que partout refleurissent des premiers matins de novembre?